identifier ou reconnaître la direction. Toute situation qui représente pour l'individu un développement amenant chez lui une résonance parfaite pour saisir l'événement dans sa globalité amènera une personne à se poser la question suivante. Quel est le but de l'événement afin de servir quelle réalité en lui? C'est à ce moment que l'ego apprend à se donner une direction et aussi à identifier les paramètres de cette direction. Si nous constatons qu'une réalité doit être permanente sur la planète Terre pour encore bien des années, nous avons déjà une direction plus grande. Et il est facile à ce moment d'identifier la direction que nous devons prendre parce que nous avons des éléments beaucoup plus grands pour asseoir notre conscience. Les éléments présents en lien avec les événements consécutifs que l'homme aura à vivre pour ajuster sa conscience, l'autorisera sans doute éventuellement à préciser ce que lui veut devenir en tant qu'ego. Un ego qui ne se sait pas ne peut pas avoir de direction. Pour avoir une direction et reconnaître celle-ci, il y a deux éléments fondamentaux, soit que l'intelligence que l'ego conquiert dans l'adversité est celle qu'il doit aussi amener dans la direction. Puisque cette intelligence permet d'identifier les événements ou les éléments qui recoupent un événement, cette capacité de s'instruire de la vie devient très grande. Et le deuxième point fondamental pour que l'ego puisse se donner une direction, c'est ceci, c'est d'apprendre par lui-même à se faire confiance. Non pas confiance dans un registre psychologique, mais dans un registre psychique, c'est-à-dire que l'intuition ou la présence du double dans l'homme doit toujours l'éclairer. Et si on sait cela, on sait qu'on n'a pas à s'inquiéter. Donc, pour établir une direction, il faudra principalement à l'individu la reconnaissance de qu'est-ce qu'un événement vient faire dans la vie des hommes, de la Terre, lorsque celui-ci est mondial, et principalement à reconnaître surtout ce que l'on doit se donner comme réalité pour ne pas subir le choc mondial que les gens vivent présentement. Est-ce qu'une infirmière, par exemple, dans un hôpital peut se donner une direction? Cela est très difficile puisqu'on ne la respecte pas au départ, à l'intérieur d'un salaire minimum qui lui permettrait de se sentir pour la première fois de sa vie respecté. La comparaison est peut-être bancale, mais lorsqu'on donne à un médecin accès à des salaires faramineux et que toute infirmière qui fait sensiblement le même exercice de travail à l'intérieur d'un confinement comme on le connaît présentement, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a un déséquilibre de la société très grand qui ne respecte pas l'individu. Donc, une infirmière pourrait simplement abandonner son travail et tout simplement se dire qu'il faut que je me réinvente. Si le système est pour être comme ça dans l'année à venir, j'aurai à prendre des décisions qui respecteront davantage ma sensibilité. Car les gouvernements, bien qu'ils veuillent bien faire au niveau de la protection de l'individu, ceux-ci ne comprennent pas jusqu'où va le respect de l'individu. Et c'est pour cela que la société actuelle n'offre que très peu d'équilibre à une personne qui commence à se poser des questions en lien avec la gestion de cette crise que l'on connaît présentement. Ainsi, une direction part toujours de la présence, de savoir qui l'on est. Et lorsqu'une personne sait qui elle est, il se produit souvent ceci à l'intérieur de sa conscience, c'est qu'elle se dégage de l'expérience qu'elle vit. Parce que pour se dégager d'une expérience, une personne apprend sensiblement à saisir que tout ce qui tourne autour de elle est une pièce de théâtre qu'elle doit gérer parfaitement. La direction, c'est l'intelligence de saisir que si elle ne peut pas mettre un terme à une réalité, elle se fera envoûter ou englober totalement par cette réalité. C'est pour cela que Identifier une direction repose sur des paramètres très simples. L'intelligence de saisir l'événement et la reconnaissance de comment on est en soi. Quels sont les outils qu'on possède pour en arriver à se donner de la liberté par le fait que lorsque l'individu tolère de la non-intelligence, il ne se donne pas de la liberté. Il assoit sa conscience sur de l'insécurité. Puisque une infirmière qui peut quitter son emploi et remettre sa lettre d'émission aura beaucoup plus d'autorité dans le futur pour confronter les événements à venir que celle qui, par crainte de quitter son emploi, ne sait pas qu'elle en trouvera un autre de toute façon. L'individu possède toutes les ressources nécessaires pour se réinventer, mais s'il ne saisit pas d'abord quelle est la direction que sa liberté doit prendre, il ne peut pas non plus être en mesure de donner ou dicter les paramètres de ce qu'il veut vivre à l'intérieur d'un nouveau travail. Incidemment, une direction, c'est une vibration, puisque l'ego doit être amené à se parfaire, il est entendu que la lumière doit se rapprocher en vibration de l'ego pour lui soumettre un regard plus élargi de toutes les situations qui se vivront sur Terre. Lorsque la direction repose simplement sur une décision psychologique, il se produit souvent ceci, c'est qu'on essaie de protéger quelque chose que l'on ne veut pas perdre, alors qu'une direction au niveau d'un mental pour se donner de la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on veut protéger. C'est un chemin qu'on veut ouvrir. C'est une force de colère qu'on a à établir en soi-même pour l'éclairer, cette direction de nos propres lumières, puisque le travail du double sera toujours celui de vous donner des formes vous permettant de vous éclairer. Et ces formes ne sont pas des réponses absolues, ce sont simplement des points de repère. Par exemple, si vous avez une quelconque maladie, il ne s'agit pas de vous guérir instantanément, il s'agit de trouver par des moyens très simples quel est le montant d'énergie à dépenser au niveau de ce que vous vivez. Si vous fatiguez rapidement, cela veut dire que vous n'êtes pas en mesure d'avoir la présence de la direction que vous devez prendre, car le repos peut être la première des solutions à votre rééquilibrage énergétique. Toutefois, lorsque ceci se produit au niveau supérieur d'une conscience établie, cela veut dire aussi que parfois, la maladie est instaurée par les plans invisibles pour amener des transmutations très profondes dans l'ego. À ce moment, il s'agit de voir la direction que prend les moyens que vous prenez pour vous guérir. Dans cette réalité, il y a des études que vous devez faire et il y a aussi des chemins à parcourir en étudiant très précisément l'impact des produits que vous aurez à prendre pour savoir quel rééquilibrage cela crée. Si, supposons, vous avez un virus et que votre système immunitaire est très bas, il est évident qu'il y a des produits naturels que vous pouvez acheter pour renforcer votre système immunitaire. De cette manière, vous avez déjà une direction très précise de la santé qui est celle-ci. Soit que une personne qui ne prend pas soin de sa santé paiera un jour plus tard ce qu'elle n'a pas vu au départ. C'est-à-dire que lorsqu'on abuse d'une réalité, il y a toujours un déséquilibre qui se crée. Ainsi, une structure mentale éprouvant énormément de stress va avoir tel ou tel symptôme physique dans sa conscience et dans sa matière pour l'informer de ce qui se passe. La direction est toujours la suivante. C'est que si l'ego n'est pas capable d'amener à sa conscience la présence d'être lui-même au centre de ce qu'il vit, il n'y a pas de direction possible. Puissamment. Est-ce que les plans de la lumière ont une direction soutenue de ce qu'ils veulent faire pour des milliards d'années en lien avec leur propre processus d'évolution? La réponse est oui. Et c'est pour cela que l'homme doit apprendre à se projeter, non pas dans le temps, mais à se projeter dans sa conscience parfaite, la réalité qu'il n'y a pas rien qu'il n'a pas accès comme savoir pour lui permettre d'être en équilibre face à sa vie. Il n'y a pas personne qui a de réponse plus grande que vous. Par contre, on peut facilement utiliser d'autres personnes pour préciser votre direction en lien avec ce que vous devez vivre. La plus grande des réalités sera toujours celle-ci, c'est que l'homme est seul devant son avenir et pour se donner une direction, il doit aussi composer avec la capacité lui-même de se tenir debout, seul et ne jamais baisser les bras devant l'adversité. Lorsque la Terre est entrée dans un processus très précis, comme on le voit présentement, d'épuration au niveau de certaines structures astrales pouvant mener l'individu à craindre davantage la mort, on s'aperçoit qu'il y a énormément de panique dans l'ego et d'insécurité, de désarroi et même une certaine angoisse ou anxiété face à l'avenir. Et c'est pour cela qu'un ego qui n'est pas habité de lumière ou qui n'a pas au moins la préscience de reconnaître qu'il y a des lectures qu'il aurait pu faire dans le passé en lien avec un détachement sur sa vie actuelle, cela fait en sorte que l'ego est manipulé davantage parce qu'il n'a pas les moyens ou les structures mentales pour se dégager d'un événement. Plus une personne reste prisonnière d'un événement ou qu'elle est émotivement amenée à vibrer à de la crainte, il se réalise dans sa conscience le projet de l'astral. Le projet de l'astral étant de bloquer à l'homme sa lumière. C'est pour cela que la direction devient floue et que l'individu n'a plus de réponse. Pour se donner des réponses à sa vie, il faut l'étudier. Par exemple, vous avez un événement qui pouvait vivre de la crainte avec le coronavirus. Ou vous avez un événement qui vous fait vivre de la crainte parce que vous avez perdu votre emploi. La première chose à faire, c'est ceci. Le niveau de crainte, l'identifier clairement, à savoir à quel moment vous êtes capable de vous recentrer, combien cela prend de temps, est-ce que cela dure une journée, deux jours ou simplement quelques heures. C'est le premier élément de la direction. Le deuxième élément, c'est de saisir pourquoi vous avez cette vibration de la crainte en vous et est-ce qu'elle connecte avec des comportements de votre ego. Et bien souvent, on s'aperçoit que c'est l'ego qui vit la crainte parce que l'esprit est hors crainte. Donc, du moment que l'on s'aperçoit que son ego est insécure, on peut agir sur le désarroi ou l'anxiété qui se produit parce que l'anxiété est simplement une plus grande vibration à la crainte qui permet à l'insécurité de grossir. Puissamment et dans un contexte totalement différent, les plans de la lumière ont toujours su que l'homme pourrait avoir accès à des réponses. Et ces réponses sont les suivantes, c'est qu'ils sont toujours amenés à forcer l'ego à les arracher parce qu'on ne vous les donne pas clairement, ces réponses. Car le processus d'intégration de la fusion de son double passe par la colère et a une haine aussi absolue contre tout ce que l'on peut cacher à l'homme. Dans ce cheminement de l'homme, il y a donc une présence assidue à questionner le double et à questionner aussi les plans invisibles. Mais cela, ça demande aussi une énergie de la part de l'homme. Cette énergie, on l'aperçoit comment? On l'aperçoit en soi parce qu'on est écœuré de vivre certaines réalités. Et plus l'écœurement se fait aigu, plus on grandit en colère et plus cela amène aussi une haine contre ce que l'on vit. Donc, la haine est un moteur de propulsion servant aussi à équilibrer la colère. Car si on ne sait pas ce que l'on haït, on va tout simplement vivre une colère astrale. Les deux se recoupent toujours, soit que le mouvement de la direction dans la tempête, c'est la colère. Et dans la colère, pour aller aussi loin qu'on peut avec la vibration de reconnaître la direction, cela exige aussi une haine absolue à l'égard des plans invisibles qui, eux, ont orchestré tout le devenir de l'homme en lien avec la souffrance, parce qu'il y a toujours des souffrances vécues lorsqu'on ne connaît pas une direction et lorsque l'on vit des événements au niveau de son corps émotif. Dans la structure mentale d'une conscience occulte de la direction, l'homme reconnaîtra qu'il n'y a pas de réponse dont il n'a pas accès. Et c'est pour cela qu'arracher une colère ou une direction, c'est simplement se mettre en vibration face à ce que l'on vit, et cela exige de la colère et exige aussi une compréhension plus grande de l'événement. Tout ce qui se passe dans un événement, c'est toujours le centre qui est important. Dans le centre d'un événement, il y a la structure de l'événement, puisque la structure repose toujours sur pourquoi l'événement doit avoir lieu. Cela permet ensuite la direction. Si vous ne savez pas pourquoi un événement a lieu, vous aurez beaucoup de difficultés à identifier la direction. Le principe fondamental de la colère est d'amener l'homme à se mettre en vibration pour faire bousculer dans son ego ses insécurités et les amener à un centre de perfection. Soit que quand l'homme vit de l'insécurité, il a tendance à croire que s'il se met en colère, cela veut dire qu'il ne comprend pas ce qu'il vit. Alors qu'en fait, la colère va bloquer les insécurités parce que l'homme s'en remet aux forces, c'est-à-dire qu'il comprend très bien que s'il vit des insécurités, c'est parce qu'on lui cache quelque chose. Et psychologiquement, l'homme peut vivre des insécurités et leur accorder des réalités tout simplement farfelues. Par exemple, si je perds mon travail, j'aurai de la difficulté à en trouver un autre. Alors qu'une personne consciente va tout simplement dire, si je perds mon travail, quand est-ce que j'en trouve un autre? Et la réponse, les plans seront obligés de lui dire, peut-être que tu vas te reposer pour quelque temps. Donc, est-ce qu'une personne a une direction quand la lumière dit une telle réalité? Certainement, parce qu'elle est en étude de ce qu'on dit. Elle n'accepte pas ou elle ne croit pas à ce que l'on dit. Elle regarde qu'est-ce que la lumière dit et ensuite, elle expose sa réalité en fonction de ce que les plans disent. C'est-à-dire qu'elle met sa réalité sur la table et elle fait le lien entre pourquoi les plans de la lumière lui disent ceci. En exemple, une personne peut très bien nier qu'elle a vécu un grand stress ou qu'elle vit une grande fatigue parce qu'elle vit d'insécurité l'amenant à combler certains ennuis. Donc, dans ce cas-là, la personne ne dira pas qu'elle est insécure face à son travail parce que, dans le fond, ce qu'elle vit, c'est de l'ennui. Mais dans une réalité tout autre, on peut très bien vivre de l'ennui et être fondamentalement insécure face à la vie. Et c'est pour cela que les plans de la lumière travaillent toujours sur l'insécurité avec la capacité d'amener l'ego à se construire une identité hors de l'ennui. Parce que l'ennui, c'est ceci. C'est un ego qui n'a pas de direction. Il fait ce qu'il pense qu'il doit faire, alors qu'il ne fait pas ce qu'il sait qu'il doit faire. Et il se peut que lorsque vous arrachez une direction, celle-ci soit imparfaite. Mais cela n'est pas grave pour les plans de la lumière, car ce qui compte, c'est être capable par la suite de faire les liens entre ce qu'on vous dit et ce que vous avez comme autorité d'arracher comme réponse plus grande, si cela doit être. Il se peut que la réponse première qu'on vous donne soit en vibration celle que vous devez avoir pour plusieurs jours. Mais sachez que les plans de la lumière ont toujours travaillé de cette façon. Ils vont vous donner une réponse, mais cette réponse-là n'est jamais un absolu. Et c'est pour cela que l'homme, l'individu, s'il apprend à gérer ce qu'on dit de l'invisible, il devient, avec le temps, un meilleur gestionnaire de sa propre conscience et toute l'anxiété et les angoisses ou les insécurités qu'il a pu vivre dans le passé s'éloignent de sa conscience parce qu'il ne vibre plus à de l'astral. Comment se fait-il que des gens ne possèdent pas la vibration de la direction? C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de questionner leur lumière, c'est-à-dire le double en partant. Est-ce qu'un individu doit toujours se méfier de la réponse de son double? Il doit s'apprendre à se protéger, de tout ce que le double peut lui dire, puisque dans un contexte d'étude de la conscience supramentale, si vous prenez tous les éléments qui ont été dits à travers ceux qui ont la capacité de parler en public au niveau de la conscience supramentale, vous aurez à vérifier vous-même si la valeur de ce qui est dit est réelle ou non. Et on ne mesure pas la valeur de ce qui est dit en simplement questionnant ce que l'on entend, mais surtout en étant capable de soi-même préciser le discours. Pourquoi est-ce que cette personne dit ça ou pourquoi est-ce que cela doit être comme cela? Je vous donne un exemple. Supposons qu'une personne dit que l'homme pourra commander la matière et se guérir. Voici ce que ceci veut dire. Ceci veut dire que dans la direction future de l'homme, lorsque celui-ci aura intégré son double parfaitement, et lorsque la régence planétaire sera descendue sur la Terre, l'homme aura à ce moment le temps et le droit de commander à la matière et de se donner une direction beaucoup plus grande qu'il se doit, parce qu'il sera totalement libre et que la fusion de son double avec sa conscience fera de lui un socle transparent. Et la seule mesure de commander à la matière provient dans ceci de la transparence de l'ego à pouvoir être dans le centre de la force oméga de l'atome christique, qui est le mental cosmique de l'homme descendu parce que le double est intégré à la conscience de l'individu. Et du moment que l'homme a une parole de création, il pourra à ce temps commander à la matière. Est-ce que l'homme peut commander à la matière aujourd'hui? Il peut simplement commander à sa conscience la gestion parfaite des événements qui tournent autour de lui, car ceux-ci sont toujours expérimentaux tant que lui-même n'est pas sorti de la nature expérimentale de son expérience. Comment est-ce qu'une personne peut savoir cela? C'est que du moment qu'elle n'a plus de réflexion dans son mental face à ce qu'elle vit, elle est déjà dans l'étude de l'événement, et en étant dans l'étude de l'événement, elle peut en tracer les contours et qu'est-ce que cela implique pour elle dans sa vie de questionner l'événement? Une personne qui a la capacité de faire cela est toujours donc dans le cercle permanent de son aura, ce qui veut dire que tout ce qui gravite autour d'elle ne l'atteint pas. Donc, en étant au-delà de la forme, une personne en vient à avoir une direction beaucoup plus grande sur la réalité de ce qui vivra sur la Terre et comment cela se vivra. Donc, est-ce que la régence planétaire est descendue présentement sur la Terre? Elle ne l'est pas, mais elle commence à asseoir ses fondations. Qu'est-ce que cela veut dire pour une conscience élargie? Que la régence planétaire veut asseoir ses fondations, elle est en mesure, la régence, ou ceux qui auront l'autorité de cette régence, de cibler principalement comment cela va être absorbé par l'homme et comment dans le mental de l'individu, celui-ci ne fondra pas devant l'énergie. Et c'est pour cela que toute régence planétaire va au-delà de commander à les forces pour l'homme ce qu'il veut voir accomplir. La régence étant beaucoup plus la capacité des forces de protéger la Terre des épurations à venir, tout en supportant l'homme à distance pour que l'astral ne fasse pas basculer les éthers de la Terre. Et cette association de l'homme avec la régence planétaire sera sa plus grande direction dans les années à venir, puisqu'il s'agit bel et bien d'un partenariat stable entre l'homme, l'ego, sa conscience et l'univers parallèle. Toute cette direction de l'homme à se donner dans la matière une conscience parfaite est ce qui lui permet non pas d'expérimenter ce que veut dire le contact télépathique, mais d'asseoir aussi ce contact télépathique-là davantage pour que la première action de l'homme devant un événement soit toujours de revenir à la source, c'est-à-dire de questionner qu'est-ce qui se passe. Une personne qui en arrive à poser cette question-là sur le tas s'évite alors toutes les émotions inutiles ou toutes les réflexions venant de la capacité de l'ego à gérer la situation. L'ego gère la situation dans l'intelligence du moment qu'il sait pourquoi un événement se produit, et il sait aussi pourquoi les gens doivent percevoir cet événement-là d'une façon très limitée, car on n'étudie pas une conscience astrale qui veut se donner de la liberté. On étudie une conscience universelle qui a l'autorité de se donner de la liberté. Et c'est pour cela que l'homme, quand il a l'autorité de se donner de la liberté, est précisément davantage plus fluide dans son verbe. Il peut voir les interfaces d'un événement dans tout son ensemble. Est-ce que, par exemple, nous avons permis, avec des médicaments, que la vie perdure sur certains individus? La réponse est possiblement oui, mais à une qualité moindre aussi. Cette vie n'est pas d'une grande qualité lorsqu'on est bourré de médicaments et qu'on ne peut pas avoir l'autorité de savoir que la nourriture peut avoir le même effet sur un corps physique avec des suppléments quelconques pendant X nombre de mois ou d'années. Ceci revient à cela, c'est qu'il y a toujours une direction beaucoup plus simple à suivre pour l'homme qui doit venir de lui que la direction scientifique qu'on voudra lui soumettre pour régler telle ou telle situation. Lorsqu'on regarde le confinement, il est clair que cela n'est pas intelligent, car s'il y a un choc beaucoup plus grand, qu'est-ce que les petits masques serviront? Ils serviront absolument rien, parce que dans une puissance de choc plus grande, la crainte sera encore au rendez-vous et il faudra de nouveau traiter avec le corps émotif des individus qui vibrent de la crainte. Donc, nous reconnaissons que l'homme a développé une dépendance affective à la vie et non une dépendance de liberté, mais c'est-à-dire une indépendance de liberté, parce que l'homme doit être face à la vie indépendant de celle-ci. Il ne peut pas craindre la mort et il ne peut pas non plus penser qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que lui pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Précisément, nous en viendrons donc à ceci, c'est que la direction, c'est une vibration, et il y a beaucoup de personnes qui se posent « Comment se fait-il que je ne sais pas qu'est-ce que c'est une vibration? » C'est parce qu'une vibration, c'est ceci. C'est une descente d'énergie qui autorise votre mental à mettre en mots ce que vous avez à vivre. Vibratoirement, vous savez que cela ne vient pas de vous parce que c'est extérieur à vous. C'est cela donc une vibration. Quand on réfléchit sur quelque chose, on a beaucoup d'arguments qui flottent dans sa tête, alors que cela, ce n'est pas une vibration, c'est simplement le recours de la réflexion au niveau de certaines pensées qui se mettent en action pour se renforcer face à une opinion. Donc, une direction basée sur des opinions, c'est toujours une direction qui vous permettra de nourrir vos craintes, alors qu'une vibration, si je pose la question suivante, est-ce que l'homme est à la fin ou au début du processus d'initiation de sa conscience? Il est au début, et puisqu'il est au début, cela implique qu'il aura à épurer beaucoup de craintes et de mémoires. Donc, s'il y a beaucoup de craintes et de mémoires, ce sont ces craintes et ces mémoires qui lui donne toujours la satisfaction de se baser une opinion sur ce qu'il veut croire. Mais si je pose la question, est-ce que les événements qui s'en viennent seront plus grands que le coronavirus? Et la réponse sera celle-ci. C'est que l'épuration de la Terre et des énergies de l'astral sur celle-ci nécessiteront de grands événements. Et ces grands événements-là ne peuvent pas être saisis intellectuellement, mais ils peuvent se saisir vibratoirement en lien avec ce qui doit se faire sur Terre pour neutraliser l'astral. L'astral est très puissant au niveau du corps émotif et fait vibrer dans le mental de l'individu l'absence de colère. Donc, une colère face à l'astral sera toujours celle-ci, de le tasser pour avoir la direction du double, puisque l'astral ne permet pas à l'homme d'être libre. Il y a donc la colère qui doit inciter l'homme à tasser l'astral, et la direction, c'est celle de se rapprocher de son double. Mais une fois que le double est présent dans l'homme et qu'il sait qu'il a accès aux réponses qu'il se doit, parce que celui-ci est obligé de lui répondre. L'homme a accès à une colère autre. Cette colère étant celle-ci, soit qu'elle commande alors la direction. Parce que dans la tempête, lorsque l'homme vit de grands événements, il aura besoin d'une direction, et c'est simplement la libération de sa colère qui lui donnera cette direction. Donc, il y a plusieurs éléments à cette colère qui fait que l'homme monte en vibration, puisque une personne ne peut pas vivre la guerre intérieurement dans sa conscience si elle n'a pas les structures mentales pour ce faire. Le plus grand obstacle dans l'homme pour l'amener à la guerre ou à sa colère, c'est son discernement. L'homme n'a pas assez de discernement pour savoir qu'une direction, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et pour arracher tout ce que l'homme veut savoir sur la vie, il aura énormément de colère et de guerre à faire. Parce que l'imposition sur sa conscience des formes de vie telles que prescrites dans l'involution avait pour but de permettre à l'âme d'évoluer et non à l'esprit de se manifester dans l'homme. La haine que l'homme a en lien avec ceci est due du fait qu'un jour, il apprend qu'il a énormément souffert inutilement parce que l'âme devait évoluer et que les plans de la lumière avaient décidé que cette souffrance était le seul moyen pour faire évoluer l'homme. Et ils ont parfaitement raison, car l'homme est trop inconscient pour savoir, dans une vitesse de colère absolue, qu'il n'y a rien qui lui empêche d'être libre lorsqu'il sait. Et pour avoir accès à cette vibration du savoir absolu, il faut que l'homme ait monté en vibration énormément. Et qu'est-ce que veut dire monter en vibration? C'est-à-dire que lorsque vous étudiez un événement, au ras les pâquerettes, vous savez déjà que cet événement-là vient des forces de la lumière. La deuxième réalité étant celle de savoir si vous vibrez à l'événement au niveau de la crainte. Et troisièmement, c'est de savoir pourquoi vous vibrez, qu'est-ce qui vibre en vous. C'est cela qui oblige ensuite le double de se rapprocher. La direction est toujours celle que vous allez déterminer par vibration. Est-elle issue de votre mental ou est-ce qu'elle est issue d'une compréhension de votre réalité avec des dimensions de vie beaucoup plus grandes? Cela est justement la réponse, soit que vous êtes toujours lié à un devenir absolu, beaucoup plus grand que vous ne le pensez bien souvent. Et si vous aviez accès à cette réalité constamment, ce ne seriez pas capable, si vous n'avez pas la vibration, de saisir qu'il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais lorsqu'on est dans une vibration de compréhension absolue que l'homme a et possède l'autorité de se mettre en vibration face à la lumière, il en vient à comprendre que l'homme fait partie aussi de la régence planétaire pour que demain, ça soit le devenir de l'évolution sur Terre. Tout ce qui se vit sur Terre est en parallèle avec ce qui se vit sur les plans. Et les forces de lumière ont déjà une direction pour la Terre. Et cette direction, ils vont la donner tranquillement ou ils vont en donner des éléments pour s'assurer que l'homme, qui est en processus d'incarnation de sa conscience, ne s'abandonne pas à du délire ou à de la folie. Il saura que plus il peut supporter l'occulte, plus la direction de sa vibration d'arracher de l'information est grande. Puisque l'homme est en vibration constante avec la lumière du moment qu'il ne vibre pas émotivement. Quand l'homme est dans une dimension d'élargir sa conscience au cercle d'une vie absolue, soit que la prestance de reconnaissance entre ce que veut dire une vibration, ce que veut dire aussi le devoir des plans de la lumière en lien avec l'évolution, l'homme saisit son mandat. Et son mandat, c'est celui-ci. Soit qu'il y a tout, pour chaque conscience, il y a une programmation mettant soit à une liberté intégrale de l'ego, ou soit à une liberté assujettie par certaines formes puisque l'ego ne peut pas monter en vibration pour déchirer le mensonge. Et le mensonge étant ultimement tout ce qui regroupe dans une sphère absolue les éléments des mystères. Les mystères n'existent pas, mais l'homme veut croire qu'ils existent, puisque cela lui permet de se sécuriser en disant simplement que nous ne pouvons pas nous donner une direction plus grande que celle que nous avons reçue, parce que finalement, on n'a pas d'informations qui puissent nous prouver cela. Alors qu'en réalité, l'homme qui est conscient de la direction de sa conscience en lien avec le plan de la lumière, sait qu'il n'a pas besoin de preuves, parce qu'il est vibratoirement aligné sur ce que les plans de la lumière ont à faire pour le devenir de la Terre et ce qu'ils ne doivent pas oublier en lien avec l'homme. C'est ceci, c'est que l'homme est aussi intégral qu'ils le sont, du fait que, du moment que l'homme ne vibre plus à la crainte sur la Terre, il devient lui aussi un rayon de lumière permettant une plus grande translucidité. Ceci doit amener la présence de la régence planétaire à asseoir sa conscience sur la sienne afin que le partage de la réalité des éthers se fasse. Nous ne pouvons pas donc dire que la Terre est sous un dominion astral pour très longtemps encore. Elle sera fortement influencée par la descente des énergies puissantes dans l'homme de sa lumière. Et est-ce que cela veut dire que les gouvernements auront à écouter bientôt ce que l'homme a à dire? La réponse, c'est qu'ils auront à écouter un jour, mais cela ne veut pas dire que c'est bientôt, puisque lorsque l'homme sera dépassé au niveau des systèmes économiques et systèmes de société, il aura à saisir que la vie ne vient pas de lui, mais elle est au-dessus de lui et que c'est à lui, à l'homme, de descendre la direction de cette vie pour qu'elle ne soit plus involutive, mais évolutive. Tout le travail de la conscience supramentale a un exercice fondamental à réaliser dans l'homme, c'est sa liberté. Cette liberté est une assurance pour les plans de la lumière qui ne voudraient pas non plus s'accaparer pendant des siècles et des siècles à venir, le devenir de l'homme. Ils ont d'autres choses à faire et d'autres sphères à étudier que simplement de garder l'homme en quarantaine encore. Cela a été prévu qu'ils le fassent, mais cela a aussi une fin, et cette fin est sur le point de se produire avec l'exercice continu de choc qui frapperont les consciences de diverses manières afin de les faire vibrer à de la crainte. Pourquoi est-ce que le modèle de la crainte est très important? C'est parce qu'on ne peut pas vibrer à autre chose lorsqu'on vibre à la crainte que de la crainte. Mais lorsqu'on vibre à un questionnement, à savoir que les plans de la lumière ont orchestré indirectement tout ce qui se passe sur la Terre, on a moins de crainte dans son mental. La raison est la suivante, c'est que le mental est présent à ce qui se passe au-dessus de lui et qu'il ne vibre pas simplement émotivement. Et lorsqu'on met un mental en vibration, que se passe-t-il bien souvent? C'est qu'on lui indique la direction. Comment cela se fait-il? C'est qu'une vibration, c'est toujours plus haut qu'un éther. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir des éthers dans sa vie qui lui permettent d'être en équilibre jusqu'au jour où ces éthers sont perturbés et astralement. Donc, il y a l'assurance qu'une vibration peut pénétrer cet éther, que ce soit un enregistrement que vous écoutez à la maison, la vibration de l'éther va être transformée parce que c'est votre conscience, lorsqu'elle connecte à l'enregistrement, il s'établit en vous une élévation de votre mental à des réalités plus grandes, ce qui modifie instantanément ce qui tourne autour de vous et l'éther dans lequel vous vivez. C'est pour cela que la vibration, c'est une capacité pour l'homme de l'étudier. C'est une capacité pour l'homme aussi de voir comment celle-ci peut être aussi astrale. Soit que lorsqu'on donne de la valeur à une réalité, on est déjà un peu astralisé. Mais lorsqu'on étudie une réalité et qu'on ne lui donne aucune valeur, mais qu'on accepte que cette réalité a une valeur évolutive, nous ne sommes plus dans la valeur, mais nous sommes dans le processus d'ajustement pour atteindre l'évolution qu'il se doit. Donc, c'est cela, en gros, la direction. C'est d'étudier tout ce qui se produit au niveau du centre de l'événement. Le coronavirus n'est qu'un petit événement comparativement à ce qui viendra demain. Est-ce que l'individu aura à parler sur la Terre de la réalité prenante et de la publier à grande échelle, cette réalité? La réponse est non. C'est simplement si votre conscience est amenée à connaître ou à reconnaître qu'il faut bel et bien un gouvernement invisible pour gérer les structures à venir sur la Terre, vous allez ainsi vous étudier vous-même dans cette présence de savoir cela. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans votre mental de la crainte à savoir qu'il y a un gouvernement invisible qui va s'installer un jour pour gérer les événements de la Terre en partenariat avec l'homme? Et vous allez certainement vous poser la question, est-ce que j'en ferai partie de cette réalité? Et le but n'est pas d'en faire partie, mais le but, c'est d'exprimer clairement que cela doit être nécessaire afin d'équilibrer plus rapidement les consciences de la Terre face aux grands chocs à venir. Sans la présence ou la descente de la régence planétaire, l'homme ne pourra pas supporter seul ce qui viendra. Certes, il y a des individus qui sont capables, mais en gros, si les plans de la lumière veulent continuer de développer la conscience de l'homme, ils doivent aussi s'assurer qu'il y a des consciences qui peuvent supporter toute l'énergie du chaos sans même plier les genoux. Comment faire la différence entre une direction qui est claire et une direction qui est moins claire? La direction claire est toujours celle qui vous donne l'assurance de ne pas vous tromper. Alors qu'une direction qui est moins claire, c'est le sentiment que peut-être que vous avez besoin de faire ceci ou cela encore pour connaître la direction claire. Et de cette manière-là, vous avez toujours l'assurance que toute direction ou toute décision que vous prenez mènera à autre chose. Il n'y a jamais de mauvaise décision parce que rien ne se perd. Et dans la puissance de décider que vous avez une direction qui vous satisfasse, vous êtes aussi dans le repos de savoir qu'il y a une autre forme un jour qui viendra pour préciser votre direction. C'est donc de cette manière que vous pouvez confronter tout événement, que ce soit la maladie. Si vous prenez un produit, faites l'étude de ce produit sur votre réalité, tout en sachant que peut-être qu'il y a un autre produit que vous aurez à prendre, et ainsi de suite. Est-ce que les plans de la lumière vous donneront le produit dans vos propres mains en vous disant « c'est tel produit que vous devez prendre » Il se peut qu'ils vous disent cela, mais vous n'avez pas à les croire. Et faites vos propres études, mais ne bloquez pas non plus le mouvement, parce que cela veut aussi dire que peut-être qu'à cause que vous déboursez de l'argent, vous avez l'insécurité de perdre votre temps, alors qu'en fait, ils sont en train de justement ajuster cette réalité chez vous, soit que l'argent a beaucoup trop d'importance et que vous avez peur de perdre de l'argent, alors que dans le fond, vous ne perdez pas d'argent parce que vous avez simplement à suivre la vibration de la direction. C'est-à-dire que la direction étant, si vous avez à vivre de la haine envers les plans, ils vous la feront vivre par l'intervention de certains événements. Soit que l'homme est mis en colère, ou est-ce que l'homme se met en colère? C'est ni un ni l'autre. La vibration de la colère n'est pas décidée par l'homme et elle ne vient pas nécessairement de l'homme, mais elle vient de la souffrance qu'il a vécue dans le passé à ne plus se faire jouer. Et quand l'homme ne veut plus se faire jouer, il a toujours dans son mental cette guerre permanente qui fait que cela devient un état d'esprit et non une situation dont il doit mettre un terme à une réalité. Elle est présente et permanente et c'est ce qui éclaire sa direction et c'est principalement la plus grande des directions, c'est-à-dire que lorsqu'on est mis en vibration, on sait que cela vient aussi du fait que l'homme est isolé dans ce qu'il sait. Et plus l'homme est isolé dans ce qu'il sait, plus il a à arracher des réponses. Tout simplement parce qu'il ne peut pas demander à personne de vérifier si ce qu'il sait est une vibration ou pas. Il doit donc être dans la colère absolue d'une réalité que la lumière doit descendre en lui, parce que c'est cela qui fait que la vibration se transforme en identité pour lui. Et cette identité, c'est une identité cosmique. Pourquoi est-ce qu'on parle d'identité cosmique? On parle d'identité cosmique parce que l'identité d'un homme dans la matière, c'est simplement de l'ego. Alors que l'identité cosmique, c'est la saturation de l'ego à souffrir. Il ne veut plus souffrir. Et pour ne plus souffrir, l'homme doit avoir une colère absolue dans son mental qui fera éclater toutes les formes et tous les événements parce qu'il est au centre de toutes les réalités. Il sait ce qui se passe tout le temps, pas simplement de temps en temps. Tout le temps, et en étant dans ce cercle de vie, il est à générer suffisamment de haine pour que le mensonge cosmique s'égrène, c'est-à-dire que l'homme peut dire à l'homme que les mystères, c'est de la foutaise, et que les plans de la lumière, tranquillement, réussissent ainsi à inverser l'évolution, puisqu'ils sont obligés de remettre dans les mains de l'homme qui sait la puissance de dévoiler le mensonge cosmique pour qu'un jour, l'homme puisse élever la conscience de l'âme en vibration et d'éduquer les morts. Cela était voulu depuis le départ, que l'homme puisse générer dans sa conscience de la colère pour être lui-même un ambassadeur du temps et un ambassadeur de lumière sur les plans de la mort. Ceci est une direction pour l'homme cosmique et une identité cosmique, parce que l'homme en viendra dans sa conscience, à parfaire la réalité suivante. C'est que les plans de la lumière savent très bien que l'homme est du même acabit que lui. Donc, qu'il pourra commander à la matière éventuellement est une réalité tout à fait accessible. Mais est-ce que cela se fera dans 40 ans? Possiblement, pas avant. Puisque pour épurer, imaginez, si l'homme commence à commander à la matière et à travailler à contre-courant contre les forces de la lumière au travers du principe de la régence. La régence est simplement ceci, c'est d'asseoir sur la Terre un gouvernement invisible qui permettra une gestion plus rapide des déséquilibres de la Terre en relation avec la conscience de l'homme, de parler ces événements sans se faire astraliser, mais cela veut aussi dire que l'homme aura à être presque immortel, c'est-à-dire presque totalement transparent déjà dans sa conscience pour saisir la profondeur des événements. Et cela est voulu aussi, car un homme qui craint la vie est un homme qui n'est pas en mesure d'affronter la mort sans crainte. Et tout ce que la vibration supramentale a pour but d'établir dans un ego, c'est ceci. C'est qu'il doit en venir cet ego à être lui-même son soleil. Son soleil, c'est ceci, c'est qu'il s'éclaire à partir de ce temps lui-même. Est-ce que l'homme questionnera les événements? Vous allez vous apercevoir que plus on est dans son propre univers de conscience universelle et solaire, que vous questionnez rarement les plans de lumière, à savoir qu'est-ce qui se passe, parce que vous le savez déjà. Et c'est cela, établir la direction, c'est que l'homme sait, parce qu'il a suffisamment arraché d'éléments à sa conscience occulte pour qu'on ne lui refuse l'accès total à toutes les réponses. Un ego qui a accès à toutes les réponses, c'est un ego transparent, c'est un ego qui n'a aucune crainte au niveau de savoir, puisqu'il y a dans l'architecture supramentale de cette conscience définie à créer dans la matière un jour de l'identité et de la liberté, l'assurance vibratoire que l'homme est immortel. En étant immortel, cela fait en sorte qu'il pourra être créateur, puisqu'il ne peut pas créer quelque chose qui ira à l'encontre de la compréhension absolue des univers parallèles qui doivent ou qui seront influencés par ce qu'il crée sur Terre. Et c'est pour cela qu'une direction, c'est une vibration. Une vibration étant aussi la plus belle des choses dans l'homme, soit de lui donner dans ses mains propres la résurgence de son mental. Lorsqu'un événement se produit, un homme qui est dans une direction très claire face aux structures supramentales de la vie sur Terre sait que les plans de la lumière ne veulent pas perdre la Terre et c'est pour cela qu'il ne s'inquiète finalement jamais.